Chapitre 14 Faux Sioux. Cependant, l'ours blanc avait trouvé sa combinaison pour la prise des jeunes filles. Il était allé dans un village Sioux éloigné et y avait fait acheter 3 vêtements indiens complets. Ainsi muni, il s'était déguisé en Sioux ainsi que ses 2 peaux rouges. Ces gens-là savaient peindre en guerre et ils connaissaient les dessins auxquels on reconnaît les Sioux. Ils peignirent donc l'ours blanc et se peignirent eux-mêmes. Et ainsi transformés, ils rôdèrent autour du village, ayant 2 chevaux de main destinés aux prisonnières et munis de tout ce qui était nécessaire pour les lier sur leurs montures. À tour de rôle, un Indien observait les allées et venues, épiant les occasions. Un matin, il s'en présenta une. Mademoiselle de Pellouer venait faire plaisir à Fleur de Join, qui aimait beaucoup le lièvre, et elle le chassait volontiers. Et l'heure la plus favorable était le très grand matin. À l'aube, le froid piquant de la nuit redouble. Le lièvre, pelotonné en son gîte, est engourdi et dort en boule. Le pas du chasseur ne l'éveille pas à ce moment propice. Donc les jeunes filles partirent en chasse à pied un peu avant l'aube. Elles s'éloignèrent peu à peu, et quand l'aurore empourpra le ciel, elles avaient déjà tiré 5 ou 6 pièces. Tout à coup, elles virent venir à elles 2 cavaliers Sioux. Ceux-ci, dont elles ne se méfièrent pas, reconnaissant leur peinture, s'approchèrent. L'un d'eux, en mauvais français, dit « Notre sachem, un vieux guerrier, est très malade là-bas. Il vous a vu. Il a reconnu une blanche et il demande une médecine. »« Conduisez-nous, » dit Mademoiselle de Pellouer. « Nous ferons ce que nous pourrons. » Les Indiens prirent les devants. On arriva près du prétendu sachem, lequel n'était autre que l'ours blanc. Méconnaissable, cet ours. Il avait coupé sa barbe et ses longs cheveux blancs. Mais de plus, très rusé, il s'était mis un pan d'étoffe sur le visage. Il râlait. Mademoiselle de Pellouer se pencha pour enlever l'étoffe. 2 bras de fer l'enlacèrent. Étreinte de l'ours, elle tomba. Il la maintint sous son genou pendant que les 2 Indiens, qui s'était jeté sur Nathalie, la ligotait. Ils vinrent ensuite ligoter aussi Mademoiselle de Pellouer. Puis ils les lièrent chacune sur un cheval, montèrent chacun le leur, et filèrent grand train, avec la marchandise, comme disait en riant le vieil ours blanc. Prise encore une fois.